les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On se souvient qu'elle le vit, qu'elle rougit et qu'elle pâlit à sa vue. Eut-elle raison de rompre le silence devant sa nourrice au risque de la faire frémir d'horreur? Pourtant, quel crime a-t-elle commis? Ses mains n'ont point trempé dans le sang innocent. Bref, Phèdre avoue son amour pour Hippolyte, alors qu'en un profond oubli, cet horrible secret demeure enseveli? Non, sinon il n'y aurait pas de tragédie. Et comme l'on sait, accuser l'innocent alors que le jour n'est pas plus pur que le fond de son cœur est encore le meilleur moyen, pour un temps, pour un acte, d'enrichir le drame. Phèdre, une version diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 14 juillet 1947. La radiodiffusion française présente, simultanément avec la représentation de gala donnée au Théâtre National de Montevideo, la compagnie de Marie-Belle dans Phèdre de Jean Racine, dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault, avec l'interprétation suivante. Jacques Dacmin, Hippolyte. Jean Chevrier, Théramène. Louise Comte, Hénon. Marie-Belle, Phèdre. Nadine Marziano, Hénon. Denise Noël, Arissy. Josette Armina, Ismène. Maurice Escande, Thésée. Jean Cassou vous présente cette émission réalisée par Jean-Serge. En ce jour de notre fête nationale, en ce moment même, une troupe de comédiens français, animée par la charmante Marie-Belle, représente de l'autre côté de l'océan, à Montevideo, capitale de l'humanisme ibéro-américain, la Phèdre de Racine. Je n'ai pas besoin de souligner les caractères symboliques de cet événement. Je veux simplement faire entendre que nous savons de quel cœur nos amis de Montevideo vont, en cette occasion, communier avec la France son histoire et son génie. On parle bien souvent de l'esprit latin et de la communauté latine. Ces termes recouvrent une réalité beaucoup plus profonde que nous ne saurions croire et qui dépasse le champ des lieux communs et des rites rhétoriques. Nous devons connaître l'image de la France que les peuples de l'Amérique latine portent dans leur cœur et tout l'idéal spirituel et social que le mot de France représente pour eux. Le 14 juillet est leur fête et Racine est leur poète. Il faut qu'à cette heure, nous nous rencontrions avec eux en ce 14 juillet qui est une fête des peuples de l'Amérique latine et en ce Racine qui est un poète de la civilisation de l'Amérique latine. C'est que Racine est un poète de la civilisation universelle et que le génie français tente à exprimer le génie humain dans sa plus large universalité. C'est que la civilisation française tente à être la civilisation latine et la civilisation latine, la civilisation humaine. Et ceci à force de modestie et de pudeur. Nous ne sommes pas une race supérieure, nous ne sommes pas un impérialisme, nous ne cherchons pas à nous imposer. Racine ne cherche pas à s'imposer. Avant d'entendre sa Phèdre, relisez la Phèdre de Ripide et vous verrez que les scènes les plus admirables de Racine ne sont qu'une adaptation, une traduction fidèle. Le plus grand poète français est l'un des plus profonds connaisseurs du cœur humain. L'un des premiers auteurs tragiques de tous les temps n'est pas un inventeur de situations nouvelles, de dialogues aux mots imprévus. Il consent à prendre son départ d'une donnée toute faite. Il consent à n'être qu'un fils des Grecs, un fils de la civilisation, parce qu'il est lui-même un civilisé. C'est sur du déjà fait, sur une beauté transmise par la culture aux bons esprits et aux honnêtes gens de son temps qu'il travaille. Il apportera aux transformations d'une matière déjà élaborée toute la marque de son génie personnel. C'est à travers les motifs des tragiques grecs qu'il exercera son propre génie de psychologue et de poète. Cette conception d'art est la conception classique, c'est-à-dire une idée propre à des civilisés. Sans doute n'exclut-elle pas l'idée moderne et romantique du génie tirant toute chose de soi-même, de son aventure personnelle, de son inaliénable originalité individuelle. Mais elle présente une extraordinaire valeur et qui ne doit pas cesser de nous surprendre et de provoquer notre admiration. C'est à travers le travail d'un civilisé sûr de la civilisation que celui-ci rejoint la nature et crée une poésie tout originale et nouvelle. Cette attitude d'esprit porte un nom, elle s'appelle la politesse. C'est sous les espèces de cette haute politesse que s'est accompli avec Racine le miracle de la poésie. Sous leur costume grec, les vers de Racine sont les plus prodigieux de la langue française. Les vers de Phèdre ont beau sembler des traductions directes du modèle grec, ce sont, au bout du compte, d'extraordinaires vers français, formés dans un langage inimitable et qui est le langage racinien. Et Racine demeure le principe et la fin, l'alpha et l'oméga du génie créateur français. Dire Racine comme dire Debussy. Ce Debussy qu'un poète italien appelait Claude de France, c'est dire la France. Racine de France, Jean de France, c'est lui. Avec son humaine politesse et ses divines musiques, la plus pure et la plus lumineuse incarnation du génie de chez nous, du génie français, du génie latin, ce génie qui tend sans cesse à l'universalité humaine. Le dessein en est pris, je pars, cher Philomène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'au lieu qui le peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les 2 mers que séparent Corinthe. J'ai demandé Thésée au peuple de ses bords où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. J'ai visité l'Élide, et, laissant le Ténard, passé jusqu'à la mer qui vit tomber Icare. Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats croyez-vous découvrir la trace de ses pas? Qui sait si le roi, votre père, veut que de son absence on sache le mystère? Et si lorsqu'avec vous nous tremblons pour ses jours, tranquilles et nous cachant de nouvelles amours, ce héros n'attend point qu'une amante abusée... Cher Philomène, arrête et respecte Thésée. De ses jeunes erreurs désormais revenues par un indigne obstacle, il n'est point retenu. Et fixant de ses vœux l'inconstance fatale, Phèdre depuis longtemps ne craint plus le rival. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir, et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux, si chers à votre enfance, et dont je vous ai vu préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour? Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse? Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face. Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. J'entends. De vos douleurs, la cause m'est connue. Phèdre ici vous chagrine et blesse votre vue. Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit que votre exil d'abord signala son crédit. Mais sa haine sur vous autrefois attachée, ou s'est évanouie, ou s'est bien relâchée. Et d'ailleurs, quel péril vous peut faire courir une femme mourante et qui cherche à mourir? Phèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à taire, lasse enfin d'elle-même et du jour qui l'éclaire, peut-elle contre vous former quelque dessein? Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains. Hippolyte en partant fuit une autre ennemie. Je fuis, je l'avouerai. Cette jeune Aricie reste d'un sang fatal conjuré contre nous. Quoi? Vous-même, Seigneur, la persécutez-vous? Jamais l'aimable sœur des cruelles Pallantides ne trempa-t-elle au complot de ses frères perfides? Et devez-vous haïr ces innocents appâts? Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. Seigneur, m'est-il permis d'expliquer votre fuite? Pourriez-vous n'être plus ce superbe Hippolyte, implacable ennemi des amoureuses lois et d'un jour que Thésée a subi tant de fois? Vénus, par votre orgueil si longtemps méprisé, voudrait-elle à la fin justifier Thésée? et vous mettant au rang du reste des mortels, vous a-t-elle forcé d'encenser ses autels? Aimeriez-vous, Seigneur? Ami, qu'oses-tu dire? Toi qui connais mon cœur depuis que je respire, des sentiments d'un cœur si fier, si dédaigneux, peux-tu me demander le désaveu honteux? C'est peu qu'avec son œil une mère amazone m'ait fait sucer encore cet orgueil qui t'étonne. Dans un âge plus mûr, moi-même parvenu, je me suis applaudi quand je me suis connu. Attaché près de moi par un zèle sincère, tu me contais alors l'histoire de mon père. Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix, s'échauffait au récit de ses nobles exploits. Quand tu me dépeignais ce héros intrépide, consolant les mortels de l'absence d'Alcide, les monstres étouffés, les brigands punis, Procuste, Cercion et Siron et Sinis, et les eaux dispersées du géant d'Épidore, et la crête fumant du sang du Minotaure. Mais quand tu récitais les faits moins glorieux, sa foi partout offerte et reçue en cent lieux, Hélène à ses parents dans Sparte dérobée, Salamine témoin des pleurs de Péribée, tant d'autres, dont les noms lui sont même échappés, trop crédules esprits que sa flamme a trompés. Ariane au rocher comptant ses injustices, faire enlever enfin sous de meilleurs auspices, tu sais qu'on a regret écoutant ce discours, je te pressais souvent d'en abréger le cours. Heureux, si j'avais pu ravir à la mémoire cette indigne moitié d'une si belle histoire. Et moi-même, à mon tour, je me verrais lié. Et les dieux, jusque-là, m'auraient humilié. Non, mais là, ce soupir d'autant plus méprisable qu'un montama d'honneur en taisé excusable, qu'aucun monstre par moi dompté jusqu'aujourd'hui ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui. Quand même, ma fierté pourrait s'être adoucie. Aurais-je pour vainqueur dû choisir Ar ici? Ne souviendrait-il plus à mes sens égarés de l'obstacle éternel qui nous a séparés? Mon père la réprouve, et par des lois sévères, il défend de donner des neveux à ses frères. D'une tige coupable, il craint un rejeton. Il veut, avec leur sœur, ensevelir leur nom, et que jusqu'au tombeau, soumis à sa tutelle, jamais les feux d'hymen ne s'allument pour elle. Dois-je épouser ses droits contre un père irrité? Donnerai-je l'exemple à la témérité? Et dans un fol amour, ma jeunesse embarquée. Ah, Seigneur, si votre heure est une fois marquée, le ciel de nos raisons ne sait point s'informer. Thésée ouvre vos yeux en voulant les fermer, et sa haine, irritant une flamme rebelle, prête à son ennemi une grâce nouvelle. Enfin, d'un chaste amour, pourquoi vous effrayer? S'il a quelque douceur, n'osez-vous l'essayer? En croirez-vous toujours un farouche scrupule? Craint-on de s'égarer sur les traces d'Hercule? Quel courage Vénus n'a-t-elle point dompté? Vous-même, où seriez-vous, vous qui la combattez, si toujours Antiope à ses lois opposées, d'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée? Mais que sert d'affecter un superbe discours? Avouez-le, tout change. Et depuis quelques jours, on vous voit moins souvent, orgueilleux et sauvage, tantôt faire voler un char sur le rivage, tantôt, savant dans l'art par Neptune inventé, rendre docile au frein un coursier indompté, les forêts de nos cris moins souvent retentissent, chargés d'un feu secret. Vos yeux s'appesantissent, il n'en faut point douter, vous aimez, vous brûlez, vous périssez d'un mal que vous dissimulez. La charmante Arissi a-t-elle su vous plaire? T'es amène, je pars, et vais chercher mon père. Ne verrez-vous point faire avant que de partir, Seigneur? C'est mon dessein, tu peux l'en avertir. Voyons-la, puisqu'ainsi mon devoir me l'ordonne. Mais quel nouveau malheur trouble sa chère âme? Hélas, Seigneur, quel trouble au mien peut-être égal. La reine touche presque à son terme fatal. En vain, l'observer jour et nuit, je m'attache. Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit. Son chagrin inquiet l'arrache de son lit. Elle veut voir le jour, et sa douleur profonde m'ordonne toutefois d'écarter tout le monde. Elle vient. Il suffit, je la laisse en ces lieux, et ne lui montre point un visage odieux. N'allons point plus avant. Demeurons, chère Enone. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas, Dieu tout-puissant, que nos pleurs vous apaisent. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux? Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire! Comme on voit tous ces vœux l'un l'autre se détruire, vous-même condamnant vos injustes desseins, tantôt à vous parer vous excitiez nos mains, Vous-même, rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame, et prête à vous cacher, vous haïssez le jour que vous veniez chercher. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Quoi ? Vous ne perdrez point cette cruelle envie. Vous verrai-je toujours, renonçant à la vie, faire de votre mort les funestes apprêts. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière ? Quoi, madame ? Insensé, où suis-je et qu'ai-je dit ? Où laissais-je égarer mes vœux et mon esprit ? Je l'ai perdu. Les dieux m'en ont ravi l'usage. Et non, la rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs. Et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. Ah, s'il vous faut rougir, rougissez d'un silence qui de vos mots encore aigrit la violence. Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours ? Quelle fureur les borne au milieu de leur course ? Quel charme ou quel poison en atarit la source ? Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux depuis que le sommeil est entré dans vos yeux, et le jour a trois fois chassé la nuit obscure depuis que votre corps languit sans nourriture. À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter ? De quel droit sur vous-même osez-vous attenter ? Vous offensez les dieux auteurs de votre vie ? Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie ? Vous trahissez enfin vos enfants malheureux que vous précipitez sous un joug rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère et rendra l'espérance aux fils de l'étrangère, à ce fier ennemi de vous, de votre sang, ce fils qu'une Amazone a porté dans son flanc, cet Hippolyte. Ah, Dieu, ce reproche vous touche. Malheureuse, quel nom est sorti de ta bouche ? Eh bien, votre colère éclate avec raison. J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. Vivez donc, que l'amour, le devoir vous excite. Vivez ! Ne souffrez pas que le fils d'une cite, accablant vos enfants d'un empire odieux, commande au plus beau sang de la Grèce et des dieux. Mais ne différez point, chaque moment vous tue. Réparez promptement votre force abattue, tandis que de vos jours, prêts à se consumer, le flambeau dure encore et peut se rallumer. J'en ai trop prolongé la coupable durée. Quoi ? De quelque remords êtes-vous déchiré ? Quel crime a pu produire un trouble si pressant ? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent. Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles. Plutôt Dieu que mon cœur fût innocent comme elle. Et quel affreux projet avez-vous enfanté dont votre cœur encore doit être épouvanté ? Je t'en ai dit assez, épargne-moi le reste. Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Mourez-en ! Gardez un silence humain. Mais pour fermer vos yeux, cherchez une autre main. Quoi qu'il vous reste à peine une faible lumière, mon âme chez les morts descendra la première. Mille chemins ouverts y conduisent toujours, et ma juste douleur choisira les plus courts. Cruel, quand ma foi vous a-t-elle déçu ? Songez-vous qu'en naissant, mes bras vous ont reçu. Mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitté. Réserviez-vous ce prix à ma fidélité ? Quel fruit espères-tu de tant de violence ? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Et que me direz-vous qui nous cède, grand Dieu, à l'horreur de vous voir expirer à mes yeux ? Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins. J'en mourrai plus coupable. Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Tu le veux ? Lève-toi. Pareil, je vous écoute. Ciel, que lui vais-je dire et par où commencer ? Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô haine de Vénus, ô fatale colère ! Dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée. Que faites-vous, madame ? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui ? Puisque Vénus le veut, De ce sang déplorable, je péris la dernière. Et la plus misérable. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas jouir le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte, grand Dieu. C'est toi qui l'as nommé. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Oh, désespoir. Oh, crime. Oh, déplorable race. Voyage infortuné. Rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dont mon âme est perdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui baptise un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain sur les autels ma main brûlait l'encens, quand ma bouche implorait le nom de la déesse. J'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Oh, comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais m'en révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, nonne. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée. Par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt assaignée. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Je conçus pour mon crime une juste terreur, je pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches. Et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame, mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravi votre invincible époux, et ce malheur n'est plus ignoré que de vous. Panope, que dis-tu? Que la reine abusée en vain demande au ciel le retour de Thésée, et que par des vaisseaux arrivés dans le port, Hippolyte, son fils, vient d'apprendre sa mort. Ciel! Pour le choix d'un maître, Athènes se partage. Au prince, votre fils, leur donne son suffrage, madame. Et de l'État, l'autre, oubliant les lois, au fils de l'étranger, ose donner sa voix. On dit même qu'au trône, une brigue insolente veut placer Aricie et le sang de Palante. J'ai cru de ce péril vous devoir avertir. Déjà même Hippolyte est tout prêt à partir. Et l'on craint, s'il paraît dans ce nouvel orage, qu'il entraîne après lui tout un peuple volage. Panope, c'est assez. La reine qui t'entend ne négligera point cet avis important. Madame, je cessais de vous presser de vivre. Déjà même au tombeau, je songeais à vous suivre. Pour vous en détourner, je n'avais plus de voix. Mais ce nouveau malheur vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une autre face. Le roi n'est plus, madame. Il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez. Esclave s'il vous perd et roi si vous vivez. Sur qui, dans son malheur, voulez-vous qu'il s'appuie? Ses larmes n'auront plus de main qui les essuie. Et ses cris, ils ne sont portés jusque aux dieux, iront contre sa mère irritée, ses aïeux. Vivez. Vous n'avez plus de reproches à vous faire. Votre flamme devient une flamme ordinaire. Thésée, en expirant, vient de rompre les nœuds qui faisaient tout le crime et l'horreur de vos feux. Hippolyte, pour vous, devient moins redoutable. Et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. Peut-être convaincu de votre aversion, il va donner un chef à la sédition. Détrompez son erreur, fléchissez son courage. Roi de ces bords heureux, Trézène est son partage. Mais il sait que les lois donnent à votre fils les superbes remparts que Minerve a bâtis. Vous avez l'un et l'autre une juste ennemie. Unissez-vous tous deux pour combattre Arissée. Eh bien, à tes conseils, je me laisse entraîner. Vivons, si vers la vie on peut me ramener. Et si l'amour d'un fils en ce moment funeste de mes faibles esprits peut ranimer le reste. Hippolyte demande à me voir en ce lieu. Hippolyte me cherche et veut me dire adieu. Ismène, dis-tu vrai, n'es-tu point abusée? C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés voler vers vous les cœurs par Thésée écartés. Arissée, à la fin de son sort, est maîtresse, et bientôt à ses pieds verra toute la Grèce. Oh, ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi. Je cesse d'être esclave et n'ai plus d'ennemis. Non, madame, les dieux ne vous sont plus contraires, et Thésée a rejoint les mânes de vos frères. Dit-on quelle aventure a terminé ses jours? On sème de sa mort d'incroyables discours. On dit que, ravisseur d'une amante nouvelle, les flots ont englouti cette épouse infidèle. On dit même, et ce bruit est partout répandu, qu'avec Pirithorus, aux enfers descendus, il a vu le Cocyte et les rivages sombres et s'est montré vivant aux infernales ombres. Mais qu'il n'a pu sortir de ce triste séjour et repasser les bords qu'on passe sans retour. Croirais-je qu'un mortel, avant sa dernière heure, peut pénétrer des morts la profonde demeure? Quel charme l'attirait sur ces bords redoutés? Thésée mort, madame, et vous seul en doutez. Athènes en gémit, Trézène en est instruite, et déjà pour son roi reconnaît Hippolyte. Phèdre, dans ce palais tremblante pour son fils, de ses amis troublés demande des avis. Et tu crois que pour moi plus humain que son père, Hippolyte rendra ma chaîne plus légère? Qu'il plaindra mes malheurs. Madame, je le crois. L'insensible Hippolyte est-il connu de toi? Sur quel frivole espoir penses-tu qu'il me plaigne et respecte en moi seul un sexe qu'il dédaigne? Tu vois depuis quel temps il évite nos pas et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas. Je sais de ses froideurs tout ce que l'on récite, mais j'ai vu près de vous ce superbe Hippolyte, et même en le voyant, le bruit de sa fierté a redoublé pour lui ma curiosité. Sa présence à ce bruit n'a point paru répondre. Dès vos premiers regards, je l'ai vu se confondre. Ses yeux qui vainement voulaient vous éviter, déjà pleins de langueur, ne pouvaient vous quitter. Le nom d'amant peut-être offense son courage, mais il en a les yeux s'il n'en a le langage. Que mon cœur, cher Ismène, écoute avidement un discours qui peut-être a peu de fondement. Oh, toi qui me connais, te semblait-il croyable que le triste jouet d'un sort impitoyable, un cœur toujours nourri d'amertume et de pleurs, dût connaître l'amour et ses folles douleurs? Reste du sang d'un roi, noble fils de la terre, je suis seul échappé aux fureurs de la guerre. J'ai perdu dans la fleur de leur jeune saison six frères. Quel espoir d'une illustre maison! Le fer moissonna tout, et la terre humectée but à regret le sang des neveux directés. Tu sais depuis leur mort quelle sévère loi défend à tous les Grecs de soupirer pour moi. On craint que de la sœur les flammes téméraires ne raniment un jour la cendre de ses frères. Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux. Tu sais que de tout temps à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. Mes yeux alors, mes yeux n'avaient pas vu son fils. Non, que par les yeux seuls lâchement enchantés, j'aime en lui sa beauté, sa grâce tant vantée, présent dont la nature a voulu l'honorer, qu'il méprise lui-même et qu'il semble ignorer. J'aime, je prise en lui de plus noble richesse les vertus de son père et non pas les faiblesses. J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux qui jamais n'a fléchi sous le joug amoureux. Phèdre en vain s'honorait des soupirs de Thésée. Pour moi, je suis plus fière et fuis la gloire, essayer d'arracher un hommage à mille autres offerts et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert. Mais de faire fléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible, d'enchaîner un captif de ses fers étonnés contre un joug qui lui plaît vainement mutiné, c'est là ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite. Hercule a désarmé coûtait moins qu'Hippolyte, et vaincu plus souvent et plus tôt surmonté, préparait moins de gloire aux yeux qui l'ont dompté. Mais, chère Ismène, hélas, quelle est mon imprudence! On ne m'opposera que trop de résistance. Tu m'entendras peut-être, humble dans mon ennui, gémir du même orgueil que j'admire aujourd'hui. Hippolyte aimerait! Par quel bonheur extrême aurais-je pu fléchir? Vous l'entendrez lui-même. Il vient à vous. Madame, avant que de partir, j'ai cru de votre sort et devoir avertir. Mon père ne vit plus. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. La mort seule, bornant ses travaux éclatants, pouvait à l'univers le cacher si longtemps. Les dieux livrent enfin la part homicide, l'ami, le compagnon, le successeur d'Alcide. Je crois que votre haine, épargnant ses vertus, écoute sans regret ces noms qui lui sont dus. Un espoir adoucit ma tristesse mortelle. Je puis vous affranchir d'une austère tutelle. Je révoque des lois dont j'ai plein la rigueur. Vous pouvez disposer de vous, de votre cœur. Et dans cette trésaine aujourd'hui mon partage, de mon aïeul Pité, autrefois l'héritage, qui m'a, sans balancer, reconnu pour son roi. Je vous laisse aussi libre et plus libre que moi. Modérer des bontés dont l'excès m'embarrasse, d'un soin si généreux honorer ma disgrâce, Seigneur, c'est me ranger plus que vous ne pensez sous ces austères lois dont vous me dispensez. Du choix d'un successeur, Athènes incertaine parle de vous, mon homme et le fils de la reine. De moi, Seigneur? Je sais, sans vouloir me flatter, qu'une superbe loi semble me rejeter. La Grèce me reproche une mère étrangère. Mais si pour concurrent je n'avais que mon frère, madame, j'ai sur lui le véritable droit que je saurais sauver du caprice des lois. Un frein plus légitime arrête mon audace. Je vous cède, ou plutôt je vous range une place, un sceptre, que jadis vos aïeux ont reçu de ce fameux mortel que la terre a conçu. L'adoption le mit entre les mains d'Égée. Athènes, par mon père, accru et protégé, reconnut avec joie un roi si généreux et laissa dans l'oubli vos frères malheureux. Athènes dans ses murs maintenant vous rappelle. Assez elle a gémi d'une longue querelle. Assez dans ses sillons votre sang englouti a fait fumer le champ dont il était sorti. Trésène m'obéit, les campagnes de Crète offrent au fils de fer une riche retraite. L'Attique est votre bien. Je pars. Et vais pour vous réunir tous les vœux partagés entre nous. De tout ce que j'entends étonnée et confuse, je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse. Veillais-je, puis-je croire un semblable dessein? Quel Dieu, Seigneur, quel Dieu l'a mis dans votre sein? Qu'à bon droit votre gloire en tous lieux est sommée, et que la vérité passe la renommée. Vous-même, en ma faveur, vous voulez vous trahir? N'était-ce pas assez de ne me point haïr et d'avoir si longtemps pu défendre votre âme de cette inimitié? Moi, vous haïr, madame, Avec quelque couleur qu'on n'ait pas ma fierté, croit-on que dans ses flancs un monstre m'est porté? Quelle sauvage mer, quelle haine endurcie pourrait en vous voyant n'être point adoucie? Ai-je pu résister au charme décevant? Quoi, Seigneur? Je me suis engagé trop avant. Je vois que la raison cède à la violence. Puisque j'ai commencé de rompre le silence, madame, il faut poursuivre. Il faut vous informer d'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer. Vous voyez devant vous un prince déplorable, d'un téméraire orgueil, exemple mémorable. Moi, qui contre l'amour fièrement révolté, offert de ses captifs et longtemps insulté, qui des faibles mortels déplorant les naufrages, pensais toujours du bord contempler les orages, asservi maintenant sous la commune loi, par quel trouble me vois-je emporté loin de moi? Un moment a vaincu mon audace imprudente. Cette âme si superbe est enfin dépendante. Depuis plus de 6 mois, honteux, désespéré, portant partout le trait dont je suis déchiré, contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve. Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. Dans le fond des forêts, votre image me suit. La lumière du jour, les ombres de la nuit, tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite. Tout vous livre à l'envie, la rebelle. Moi-même, pour t'offrir de mes soins superflus, maintenant je me cherche et ne me trouve plus. Mon arc, mes javelots, mon char, tout m'importune. Je ne me souviens plus des leçons de Neptune. Mes seuls gémissements font retentir les bois. Et mes coursiers oisifs font oublier ma voix. Peut-être le récit d'un amour si sauvage vous fait en m'écoutant rougir de votre ouvrage. D'un cœur qui s'offre à vous, quel farouche entretien, quel étrange captif pour un si beau lien. Mais l'offrande à vos yeux doit être plus chère. Songez que je vous parle une langue étrangère et ne rejetez pas les vœux mal exprimés qu'Hippolyte sans vous n'aurait jamais promis. Seigneur, la reine vient, je l'ai devancée, elle vous cherche. Moi, j'ignore sa pensée, mais on vous est venu demander de sa part. Phèdre veut vous parler avant votre départ. Phèdre! Que lui dirais-je et que peut-elle attendre? Seigneur, vous ne pouvez refuser de l'entendre. Quoique trop convaincu de son inimitié, vous devez à ses pleurs, quel comble de pitié. Cependant, vous sortez, je pars, et j'ignore si je n'offense point les charmes que j'adore. J'ignore si ce cœur que je laisse en vos mains... Partez, prince, et suivez vos généreux desseins. Rendez de mon pouvoir Athènes tributaire. J'accepte tous les dons que vous me voulez faire. Mais cet empire, enfin, si grand, si glorieux, n'est pas de vos présents le plus cher à mes yeux. Ami, tout est vite prêt. Mais la reine s'avance, pas que pour le départ tout s'armant diligence, fait donner le signal, cours, ordonne, et revient me délivrer bientôt d'un fâcheux entretien. Le voici. Vers mon cœur, tout mon sang se retire. J'oublie en le voyant ce que je viens de lui dire. Souvenez-vous d'un fils qui n'espère qu'en vous. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père. Et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà 1000 ennemis attaquent son enfance. Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai point de sentiment si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrais pas, Seigneur. Vous m'avez vu attachée à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, je pris soin de m'offrir. Au bord que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclarer, j'ai voulu par des mères en être séparée. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on osa prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Des droits de ses enfants, une mère jalouse pardonne rarement au fils d'une autre épouse, madame, je le sais. Les soupçons importuns sont d'un second hymen les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages, et j'en aurais peut-être essuyé plus l'outrage. Ah, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi commune a voulu m'accepter. Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux pourrait encore le jour, le ciel peut à l'ampleur accorder son retour. Neptune le protège, et ce dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie, et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. Que dis-je? Il n'est point mort puisqu'il respire en vous. Toujours devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois, je lui parle. Et mon cœur... Je m'égare, Seigneur, ma folle ardeur malgré moi se déclare. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots. Digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours vous eut du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé. Oh. Perdu. Qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tous les soins de ma gloire? Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue. Et je vais... Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni du cul folle amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus. Les dieux m'en sont témoins. C'est Dieu qui, dans mon flanc, a allumé le feu fatal à tout mon sang. C'est Dieu qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruelle. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux, un moment, pouvaient me regarder. Que dis-je? Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ceux qu'il aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Venge-toi! Punis-moi de nos dieux amours! Digne fils du héros qui t'a donné le jour, délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée, ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. impatient déjà d'expier son offense au devant de ton bras. Je le sens qui t'avance. Frappe, ou s'il croise indigne de tes coups, si ta haine m'en vient si plus, si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Donne! Que faites-vous, madame? Juste Dieu, maison, viens! Évitez des témoins, ô Dieu! Venez, rentrez! Fuyez une honte certaine! Est-ce Phèdre qui fuit, ou plutôt qu'on entraîne? Pourquoi, Seigneur, pourquoi ces marques de douleur? Je vous vois sans épée, interdit, sans couleur. T'y ramène, fuyons. Ma surprise est extrême. Je ne puis sans horreur me regarder moi-même. Phèdre! Mais non, grand Dieu! Qu'on un profond oubli cet horrible secret demeure enseveli! Si vous voulez partir, la voile est préparée. Mais Athènes, Seigneur, s'est déjà déclaré. Ces chefs ont pris les voies de toute cette tribu. Votre frère l'emporte et Phèdre a le dessus. Phèdre! Un héros chargé des volontés d'Athènes, de l'État en ses mains, vient remettre les rênes. Son fils est roi, Seigneur. Dieu, tu la connaissais! Est-ce donc sa vertu que vous récompensez? Cependant, un bruit sourd veut que le roi respire. On prétend que Thésée a paru dans les pires. Mais moi qui l'y cherchais, Seigneur, je sais trop bien. N'importe! Écoutons tout et ne négligeons rien. Examinons ce bruit, remontons à sa source. S'il ne mérite pas d'interrompre ma course, partons. Et quelque prix qu'il en puisse coûter, mettons le sceptre aux mains dignes de le porter. Ah, que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie. Importune, veux-tu souhaiter qu'on me voie? De quoi viens-tu flatter mon esprit désolé? Cache-moi bien, plutôt, je n'ai que trop parlé. Mes fureurs au dehors ont osé se répandre. J'ai dit ce que jamais on ne devait entendre. Ciel, comme il m'écoutait. Par combien de détours l'insensible a longtemps éludé mes discours. Comme il ne respirait qu'une retraite prompte. Et combien sa rougeur a redoublé ma honte. Pourquoi détournais-tu mon funeste dessein? Hélas, quand son épée allait chercher mon sein, a-t-il pâli pour moi? Me l'a-t-il arraché? Il suffit que ma main l'ait une fois touchée, je l'ai rendu horrible à ses yeux inhumains. Et se faire malheureux profanerait ses mains. Ainsi, dans vos malheurs, ne songeant qu'à vous plaindre, vous nourrissez un feu qu'il vous faudrait éteindre. Ne voudrait-il pas mieux, digne sans dominos, dans de plus nobles soins, chercher votre repos? Contre un ingrat qui plaît recourir à la fuite, régner et de l'État embrasser la conduite. Moi, régner. Moi, ranger un État sous ma loi quand ma faible raison ne règne plus sur moi. Lorsque j'ai de mes sens abandonné l'Empire, quand sous un joug honteux à peine je respire, quand je me meurs, fuyez, je ne le puis quitter. Vous l'osâtes bannir, vous n'osez l'éviter. Il n'est plus temps, il sait mes ardeurs insensées. De l'austère pudeur, les bornes sont passées. J'ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur. Et l'espoir, malgré moi, s'est glissé dans mon cœur. Toi-même, rappelant ma force défaillante et mon âme déjà sur mes lèvres errantes, par tes conseils flatteurs, tu m'as suranimé. Tu m'as fait entrevoir que je pouvais l'aimer. Hélas! De vos malheurs innocents ou coupables, de quoi, pour vous sauver, n'étais-je point capable? Mais si jamais l'offense irrita vos esprits, pouvez-vous d'un superbe oublier les mépris? Avec quels yeux cruels sa rigueur obstinée vous laissait à ses pieds peu sans faux prosterner? Que son farouche orgueil le rendait odieux? Que Phèdre en ce moment n'avait-elle mes yeux? Hénon, il peut quitter cet orgueil qui te blesse. Nourri dans les forêts, il en a la rudesse. Hippolyte, endurci par de sauvages lois, entend parler d'amour pour la première fois. Peut-être sa surprise a causé son silence. Et nos plaintes, peut-être, ont trop de violence. Songez qu'une barbare en son sein l'a formée. Quoique si, t'es barbare, elle a pourtant aimé. Il a pour tout le sexe une haine fatale. Je ne me verrai point préféré de rival. Enfin, tous tes conseils ne sont plus de saison. Serre ma fureur et nonne. Et non point ma raison. Il oppose à l'amour un cœur inaccessible. Cherchons pour l'attaquer quelque endroit plus sensible. Les charmes d'un empire ont paru le toucher. Athènes l'a tiré, il n'a pu s'en cacher. Déjà de ses vaisseaux la pointe était tournée et la voile flottait au vent abandonné. Va trouver de ma part ce jeune ambitieux Hénon. Fais briller la couronne à ses yeux. Qu'il mette sur son front le sacré diadème. Je ne veux que l'honneur de l'attacher moi-même. C'est donc lui ce pouvoir que je ne puis garder. Il instruira mon fils dans l'art de commander, peut-être. Il voudra bien lui tenir lieu de père. Je mets sous son pouvoir et le fils et la mère. Pour le fléchir, enfin, tente tous les moyens. Tes discours trouveront plus d'accès que les miens. Presse, pleure, gémis, peins-lui, Phèdre mourante. Ne rougis point de prendre une voix suppliante. Je t'avouerai de tout. Je n'espère qu'en toi. Va! J'attends ton retour pour disposer de moi. Oh, toi qui vois la honte où je suis descendu, implacable Vénus, suis-je assez confondu? Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté. Ton triomphe est parfait. Tout est très emporté. Si tu veux une gloire nouvelle, attaque un ennemi qui te soit plus rebelle. Hippolyte te fuit, et bravant ton courroux, jamais à tes autels n'a fléchi les genoux. Ton nom semble offenser ses superbes oreilles. Déesse, venge-toi, nos causes sont pareilles. Qu'il aime. Mais déjà tu reviens sur tes pas, Hénon. On me déteste. On ne t'écoute pas! Il vous avait l'amour étouffé la pensée, madame. Rappelez votre vertu passée. Le roi qu'on a cru mort va paraître à vos yeux. Thésée est arrivé! Thésée est en ses yeux! Le peuple pour le voir court et se précipite. Je sortais par votre ordre et cherchais Hippolyte lorsque jusque au ciel mille cris est lancé. Mon épouse est vivant, Hénon. C'est assez. J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage. Il vit. Je ne veux pas en savoir davantage. Quoi? Je te l'avais prédit, mais tu n'as pas voulu. Sur mes justes remords, tes pleurs ont prévalu. Je mourrai ce matin digne d'être pleuré. J'ai suivi tes conseils. Je meurs déshonoré. Vous mourrez? Juste ciel! Qu'ai-je fait aujourd'hui? Mon époux va paraître et son fils avec lui. Je verrai le témoin de ma flamme adultère, observer de quel front j'ose aborder son père. Le cœur gros de soupirs qui n'a point écouté, l'œil humide de pleurs par l'ingrat rebuté. Penses-tu que sensible à l'honneur de Thésée, lui cache la rondeur dont je suis embrasé? Laissera-t-il trahir et son père? Et son roi pourra-t-il contenir l'horreur qu'il a? Il se tairait en vain. Je sais mes perfidies, Hénon, et ne suis point de ces femmes hardies qui, goûtant dans le crime une tranquille paix, ont su se faire un front qui ne rougit jamais. Je connais mes fureurs, je les rappelle toutes. Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes vont prendre la parole et, prêts à m'accuser, attendent mon époux pour le désabuser. Mourons de tant d'horreur qu'un trépas me délivre. Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre? La mort aux malheureux ne cause point d'effroi. Je ne crains que le nom que je laisse après moi. Pour mes tristes enfants, quel affreux héritage! Le sang de Jupiter doit enfler leur courage. Mais quelque juste orgueil qu'inspire un sang si beau. Le crime d'une mère est un pesant fardeau. Je tremble qu'un discours, hélas, trop véritable, un jour ne lui reproche à une mère coupable. Je tremble qu'opprimé de ce poids odieux, l'un ni l'autre jamais n'ose lever les yeux. Il n'en faut point douter, je les plains l'un ni l'autre. Jamais crainte ne fut plus juste que la vôtre. Mais à de tels affronts, pourquoi les exposer? Pourquoi contre vous-même allez-vous déposer? C'en est fait. On dira que Phèdre, trop coupable de son époux trahi, fut l'aspect redoutable. Hippolyte est heureux qu'au dépend de vos jours. Vous-même, en expirant, appuyez ses discours. À votre accusateur, que pourrais-je répondre? Je serai devant lui trop facile à confondre. De son triomphe affreux, je le verrai jouir. Et comptez votre honte à qui voudra louir. Oh, que plutôt du ciel la flamme me dévore. Mais ne me trompez point. Vous est-il cher encore? De quel œil voyez-vous ce prince audacieux? Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. Pourquoi donc lui céder une victoire entière? Vous le craignez. Osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. Qui vous démentira? Tout parle contre lui. Son épée en vos mains heureusement laissée. Votre trouble présent, votre douleur passée. Son père par vos cris dès longtemps prévenu. Et déjà son exil par vous-même obtenu. Que j'ose opprimer et noircir l'innocence. Mon zèle n'a besoin que de votre silence. Tremblant comme vous, j'en sens quelque remords. Vous me verriez plus prompte affronter mille morts. Mais puisque je vous perds sans ce triste remède, votre vie est pour moi d'un prix à qui tout cède. Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis, bornera sa vengeance à l'exil de son fils. Un père en punissant madame est toujours père. Un supplice léger suffit à sa colère. Mais le sang innocent dut-il être versé, que ne demande point votre honneur menacé. C'est un trésor trop cher pour oser le commettre. Quelque loi qu'il vous dicte, il faut vous y soumettre, madame. Et pour sauver notre honneur combattu, il faut immoler tout. Et même la vertu. Eh bien, je vois Thésée. Oh, je vois Hippolyte. Dans ses yeux insolents, je vois ma perte écrite. Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à toi. Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. La fortune à mes voeux cesse d'être opposée, madame, et dans vos bras, mais... Arrêtez, Thésée, et ne profanez point des transports si charmants. Je ne mérite plus ces doux empressements. Vous êtes offensée. La fortune jalouse n'a pas en votre absence épargné votre épouse. Indigne de vous plaire et de vous approcher, je ne dois désormais songer qu'à me cacher. Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père, mon fils? Phèdre peut seul expliquer ce mystère. Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, permettez-moi, Seigneur, de ne la plus revoir. Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte disparaisse des lieux que votre épouse habite. Vous, mon fils? Me quittez. Je ne la cherchais pas. C'est vous qui, sur ces bords, conduisit tous ces pas. Vous daignâtes, Seigneur, aux rives de Trézène confier en partant Aricie et la reine. Je fus même chargé du soin de les garder. Mais quels soins désormais peuvent me retarder? Assez dans les forêts, mon oisive jeunesse, sur de vils ennemis, a montré son adresse. Ne pourrais-je, en fuyant un indigne repos, d'un sang plus glorieux, teindre mes javelots? Vous n'étiez pas encore à tel âge où je touche. Déjà, plus d'un tyran, plus d'un monstre farouche avait de votre bras senti la pesanteur. Déjà, de l'insolence, heureux persécuteur, vous aviez des deux mers assuré les rivages. Le libre voyageur ne craignait plus l'outrage. Hercule, respirant sur le bruit de vos coups, déjà de son travail se reposait sur vous. Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père, je suis même encore loin des traces de ma mère. Souffrez que mon courage ose enfin s'occuper. Souffrez, si quelque monstre a pu vous échapper, que j'apporte à vos pieds sa dépouille honorable, ou que d'un beau trépas la mémoire durable, éternisant des jours si noblement finis, prouve à tout l'univers que j'étais votre fils. Que vois-je? Quelle horreur dans ces lieux répandus fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue. Si je reviens si craint et si peu désiré, ô ciel, de ma prison pourquoi m'as-tu tiré? Je n'avais qu'un ami. Son imprudente flamme du tyran de l'Épire allait ravir la femme. Je servais à regret ses desseins amoureux. Mais le sort irrité nous aveuglait tous deux. Le tyran m'a surpris sans défense et sans armes. J'ai vu Pirithoeus, triste objet de mes larmes, livré par ce barbare à des monstres cruels qu'il nourrissait du sang des malheureux mortels. Moi-même, il m'enferma dans des cavernes sombres, lieux profonds, et voisin de l'Empire des Ombres. Les dieux, après 6 mois, enfin m'ont regardé. J'ai pu tromper les yeux de qui j'étais gardé. D'un perfide ennemi, j'ai purgé la nature. À ces monstres, lui-même a servi de pâture. Et lorsqu'avec transport je pense m'approcher de tout ce que les dieux m'ont laissé de plus cher, que dire? Quand mon âme, à soi-même rendue, vient se rassasier d'une si chère vue, je n'ai pour tout accueil que des frémissements, tout fuit, tout se refuse à mes embrassements, et moi-même, éprouvant la terreur que j'inspire, je voudrais être encore dans les prisons des pires. Parlez ! Phèdre se plaint que je suis outragé. Qui m'a trahi ? Pourquoi ne suis-je pas vengé ? La Grèce, à qui mon bras fut tant de fois utile, a-t-elle aux criminels accordé quelque asile? Vous ne répondez point. Mon fils, mon propre fils, est-il d'intelligence avec mes ennemis? Entrons! C'est trop garder un doute qui m'accable. Connaissons à la fois le crime et le coupable. Que Phèdre explique enfin le trouble où je la vois! Vous tendez ce discours qui m'a glacé l'effroi. Phèdre, toujours en proie à sa pureur extrême, veut-elle s'accuser et se perdre elle-même? Dieu! Que dira le roi? Quel funeste poison l'amour a répandu sur toute sa maison. Moi-même, plein d'un feu que sa haine réprouve, quel il m'a vu jadis et quel il me retrouve. De noirs pressentiments viennent m'épouvanter. Mais l'innocence enfin n'a rien à redouter. Allons, cherchons ailleurs par quelle heureuse adresse je pourrai de mon père émouvoir la tendresse et lui dire un amour qu'il peut vouloir troubler, mais que tout son pouvoir ne saurait ébranler. Oh, qu'est-ce que j'entends? Un traître, un téméraire préparait cet outrage à l'honneur de son père. Avec quelle rigueur, destin, tu me poursuis? Je ne sais où je vais. Je ne sais où je suis. Oh, tendresse! Oh, bonté trop mal récompensée! Projet audacieux! Détestable pensée! Pour parvenir au but de ces noirs amours, l'insolent de la force empruntait le secours. J'ai reconnu le fer, instrument de sa rage, ce fer dont je l'armais pour un plus noble usage. Tous les liens du sang n'ont pu le retenir. Et Phèdre différait de le faire punir. Le silence de Phèdre épargnait le coupable. Phèdre épargnait plutôt un père déplorable. Honteuse du dessein d'un amant furieux et du feu criminel qu'il a pris dans ses yeux, Phèdre mourait, Seigneur. Et sa main meurtrière éteignait de ses yeux l'innocente lumière. J'ai vu lever le bras, j'ai couru la sauver. Moi seul, à votre amour, j'ai su la conserver, et plaignant à la fois son trouble et vos alarmes, j'ai servi, malgré moi, d'interprète à ses larmes. Le perfide, il n'a pu s'empêcher de pâlir. De crainte, en m'abordant, je l'ai vu tressaillir. Je me suis étonné de son peu d'allégresse. Ses froids embrassements ont glacé ma tendresse. Mais ce coupable amour dont il est dévoré, dans Athènes, déjà, s'était-il déclaré? Seigneur, souvenez-vous des plaintes de la reine. Un amour criminel causa toute sa haine. Et ce feu dans Trézène a donc recommencé? Je vous ai dit, Seigneur, tout ce qui s'est passé. C'est trop laisser la reine à sa douleur mortelle. Souffrez que je vous quitte et me range auprès d'elle. Oh, le voici! Grand Dieu, à ce noble maintien, quel œil ne serait pas trompé comme le mien? Faut-il que sur le fond d'un profane adultère brille de la vertu le sacré caractère? Et ne devrait-on pas, à des signes certains, reconnaître le cœur des perfides humains? Puis-je vous demander quel funeste nuage, Seigneur, a pu troubler votre auguste visage? N'osez-vous confier ce secret à ma foi, perfide? Oses-tu bien te montrer devant moi? Monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre, reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre, après que le transport d'un amour plein d'horreur jusqu'au lit de ton père a porté sa fureur, tu m'oses présenter une tête ennemie? Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie et ne vas pas chercher sous un ciel inconnu des pays où mon nom ne soit point parvenu? Fuis, traître! Ne viens point ici braver ma haine et tenter un courroux que j'en retiens à peine. C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternel d'avoir pu mettre au jour un fils si criminel, sans que ta mort encore, honteuse dans ma mémoire de mes nobles travaux, vienne souiller la gloire. Fuis ! Et si tu ne veux qu'un châtiment soudain t'ajoute au scélérat qu'a puni cette main, prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire ne te voit en ces lieux mettre un pied téméraire. Fuis, dis-je ! Et son retour précipitant tes pas de ton horrible aspect, purge tous mes états. Et toi, Neptune, et toi, si jadis mon courage d'infâmes assassins nettoya ton rivage, souviens-toi que pour prix de mes efforts heureux, tu promis d'exaucer le premier de mes vœux. Dans les longues rigueurs d'une prison cruelle, je n'ai point imploré ta puissance immortelle. Avare du secours que j'attends de tes soins, mes vœux t'ont réservé pour de plus grands besoins. Je t'implore aujourd'hui, venge un malheureux père. J'abandonne ce traître à toute ta colère. Étouffe dans son sang ses désirs effrontés. Thésée, à tes fureurs, connaîtra tes bontés. D'un amour criminel, père, accuse Hippolyte. Un tel excès d'horreur en mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois qu'ils m'ôtent la parole et m'étouffent la voix. Traître, tu prétendais qu'en un lâche silence, Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. Il fallait, en fuyant, ne pas abandonner le fer qui, dans ses mains, aide à te condamner. Ou plutôt, il fallait, comblant ta perfidie, lui ravir tout d'un coup la parole et la vie. Un mensonge si noir, justement, qu'irrité. Je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche. Et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, examinez ma vie et songez qui je suis. Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes peut violer enfin les droits les plus sacrés, ainsi que la vertu de crime à ses degrés. Et jamais on n'a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence. Un jour seul ne fait point un mortel vertueux, un perfide assassin, un lâche incestueux. Élevé dans le sein d'une chaste héroïne, je n'ai point de son sang démenti l'origine. Pité, estimé sage entre tous les humains, daigna m'instruire encore au sortir de ses mains. Je ne veux pas me peindre avec trop d'avantages. Mais si quelque vertu m'est tombée en partage, Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater la haine des forfaits qu'on ose m'imputer. C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce. J'ai poussé la vertu jusque à la rudesse. On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et l'on veut qu'Hippolyte ait pris d'un feu profane. Oui, c'est ce même orgueil, lâche, qui te condamne. Je vois de tes froideurs le principe odieux. Fèvre seul charmait tes impudiques yeux, et pour tout autre objet, ton âme indifférente dédaignait de brûler d'une flamme innocente. Non, mon père, ce cœur, c'est pour vous le sceller, n'a pas d'un chaste amour dédaigné de brûler. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime, il est vrai, malgré votre défense. Ah, ici, à ces voix, rien mes voeux asservis, la fille de Palante a vaincu votre fils. Je l'adore, et mon âme à vos ordres rebelles ne peut ni soupirer ni brûler que pour elle. Mais non, l'artifice est grossier, tu te fais un criminel pour te justifier. Seigneur, depuis 6 mois, je l'évite et je l'aime. Je venais en tremblant vous le dire à vous-même. Et quoi? De votre erreur, rien ne vous peut tirer. Par quel apostèrement faut-il vous rassurer que la terre, le ciel, que toute la nature... Toujours les scélérats ont recours aux perjures. Cesse. Mais m'épargne un importun discours si ta fausse vertu n'a point d'autre secours. Elle vous paraît fausse et pleine d'artifices. Fèvre au fond de son cœur me remplit de justice. Ah, que ton impudence excite mon courroux. Quel temps à mon exil, quel lieu prescrivez-vous? Fusses-tu fort de là les colonnes d'Alcide, je me croirais encore trop voisin d'un pire fils. Chargé du crime affreux dont vous me soupçonnez, quels amis me plaindront quand vous m'abandonnez? Va chercher les amis dont l'estime funeste honore l'adultère, applaudisse à l'inceste, des traîtres, des ingrats, sans honneur et sans loi, dignes de protéger un méchant tel que toi. Vous me parlez toujours d'inceste et d'adultère! Je me tais. Cependant, Phèdre sort d'une mère. Phèdre est d'un sang, Seigneur, vous le savez trop bien, de toutes ses horreurs, plus remplies que le mien. Quoi? Ta rage à mes yeux pire toute retenue, pour la dernière fois, ôte-toi de ma vue. Sors, traître! N'attends pas qu'un pire furieux te fasse avec opprobre arracher de ses lieux! Misérable! Tu cours à ta perte infaillible. Neptune, par le fleuve odieux même terrible, m'a donné sa parole et va l'exécuter. Un dieu vengeur te suit, tu ne peux l'éviter. Je t'aimais, Et je sens que malgré ton offense, mes entrailles, pour toi, se troublent par avance. Mais à te condamner, tu m'as trop engagé. Jamais père, en effet, fut-il plus outragé. Juste Dieu qui voyait la douleur qui m'accable, et je pus mettre au jour un enfant aussi coupable. Seigneur, je viens à vous plaindre d'un juste effroi. Votre voix redoutable a passé juste à moi. Je crains qu'un prompt effet n'ait suivi la menace. Si l'on est temps encore, épargnez votre race, respectez votre sang. J'ose vous en prier, sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier. Ne me préparez point à la douleur éternelle de l'avoir fait répandre à la main paternelle. Non, madame, en mon sang, ma main n'a point trempé. Mais l'ingrat, toutefois, ne m'est point échappé. Une immortelle main de sa perte est chargée. Neptune me la doit et vous serez vengé. Neptune vous la doit? Quoi, vos vœux irrités? Quoi, craignez-vous déjà qu'ils ne soient écoutés? Joignez-vous bien plutôt à mes vœux légitimes, dans toute leur noirceur. Retracez-moi ces crimes, échauffez mes transports trop lents, trop retenus. Tous ces crimes encore ne vous sont pas connus. Sa fureur contre vous se répand en injures. Votre bouche, dit-il, est pleine d'impostures. Il soutient car ici à son cœur, à sa foi, qu'il l'aime. Quoi, Seigneur? Il l'a dit devant moi. Mais je sais rejeter un frivole artifice. Espérons de Neptune une prompte justice. Je vais moi-même encore au pied de ses autels le presser d'accomplir ce serment immortel. Il sort. Quelle nouvelle a frappé mon oreille? Quel feu mal étouffé dont mon cœur se réveille? Quel coup de foudre? Oh, ciel, et quel funeste avis! Je volai tout entière au secours de son fils, et m'arrachant des bras d'Edon épouvanté, je cédais au remords dont j'étais tourmenté. Qui sait même où m'allait porter ce repentir? Peut-être, à m'accuser, j'aurais pu consentir. Peut-être, si la voix ne m'eût été coupée, l'affreuse vérité me serait échappée. Hippolyte est sensible et ne sent rien pour moi. Aricie a son cœur. Aricie a sa foi. Oh Dieu! Lorsqu'à mes vœux l'ingrate inexorable s'armait d'un œil si fier, d'un front si redoutable, je pensais qu'à l'amour son cœur toujours fermé fut contre tout mon sexe également armé. Une autre cependant a fléchi son audace. Devant ses yeux cruels, une autre a trouvé grâce. Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir. Je suis le seul objet qui ne saurait souffrir. Et je me chargerai du soin de le défendre. Cher Enon, sais-tu ce que je viens d'apprendre? Non, mais je viens tremblante à ne vous point mentir. J'ai pâli du dessein qui vous a fait sortir. J'ai craint une fureur à vous-même fatale. Enon, qui l'eût cru? J'avais une rivale. Comment? Hippolyte aime, mais je n'en puis douter. Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter, qu'offensait le respect, qu'importunait la plainte. Ce tigre que jamais je n'abordais sans crainte. Soumis, apprivoisé, reconnaît un vainqueur. Aricie a trouvé le chemin de son cœur. Oh, douleur non encore éprouvée, à quel nouveau tourment je me suis réservée. Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports, la fureur de mes feux, l'horreur de mes remords, et d'un refus cruel, l'insupportable injure, n'était qu'un faible essai du tourment que j'endure. Ils s'aiment. Par quel charme ont-ils trompé mes yeux? Comment se sont-ils vus? Depuis quand Dans quel lieu? Tu le savais. Pourquoi me laissais-tu séduire? De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire? Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher? Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher? Hélas, ils se voyaient avec pleine licence. Le ciel de leur soupir approuvait l'innocence. Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Et moi, triste rebut de la nature entière, je me cachais au jour, je fuyais la lumière. La mort est le seul Dieu que j'osais implorer. J'attendais le moment où j'allais expirer, me nourrissant de fiel, de larmes abreuvées. Encore dans mon malheur de trop près observé, je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir. Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir. Et sous un front serein déguisant mes alarmes, il fallait bien souvent me priver de mes larmes. Quels fruits recevront-ils de leurs vaines amours? Ils ne se verront plus. Ils s'aimeront toujours. Au moment que je parle, ah, mortelle pensée, ils bravent la fureur d'une amante insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, ils font mille serments de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage. Et non, prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre art ici. Il faut de mon époux, contre un son qu'odieux, réveiller le courroux, qui ne se borne pas à des peines légères. Le crime de la sœur passe celui des frères. Dans mes jaloux transports, je le veux implorer. Que fais-je? Où ma raison se va-t-elle égarer? Moi, jalouse, et Thésée est celui que j'implore. Mon épouse est vivant, et moi, je brûle encore. Pour qui? Quel est le cœur où prétendent mes vœux? Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais ont passé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides mains, promptes à me venger, dans le sang qu'innocent brûle de se plonger, misérable! Et je vis, et je soutiens la vue de ce sacré soleil dont je suis descendu. J'ai pour aïeul le Père et le Maître des dieux, le ciel, tout l'univers est plein de mes adieux. Où me cacher? Fuyons dans la nuit infernale! Mais que dis-je? Mon Père y tient l'urne fatale. Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains. Minos juge aux enfers tous les pâles humains. Ah, combien frémira son ombre épouvantée lorsqu'il verra sa fille à ses yeux présentée, contrainte d'avouer tant de forfaits divers et des crimes peut-être inconnus aux enfers. Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible? Je crois voir de ta main tomber l'urne terrible. Je crois te voir, cherchant un supplice nouveau, toi-même, de ton sang, devenir le bourreau. Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille. Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille. Hélas, du crime affreux dont la honte me suit, jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. Jusqu'au dernier soupir de malheur poursuivi, je rends dans les tourments une pénible vie. Et repoussez, madame, une injuste terreur, regardez d'un autre œil une excusable erreur. Vous aimez, on ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraîné. Est-ce donc un prodige inouï parmi nous? L'amour n'a-t-il encore triomphé que de vous? La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. Mortel, subissez le sort d'une mortelle. Vous vous plaignez d'un joug imposé dès longtemps. Les dieux même, les dieux de l'Olympe habitant, qui d'un bruit si terrible épouvante les crimes, ont brûlé quelquefois de feux illégitimes. Qu'entends-je? Quel conseil ose-t-on me donner? Ainsi donc jusqu'au bout tu veux m'empoisonner, malheureuse. Voilà comme tu m'as perdu. Au jour que je fuyais, c'est toi qui m'as rendu. Tes prières m'ont fait oublier mon devoir. J'évitais Hippolyte. Et tu me l'as fait voir. De quoi te chargeais-tu? Pourquoi ta bouche impie a-t-elle en l'accusant osé noircir sa vie? Il en mourra peut-être. Et d'un père insensé, le sacrilège veut peut-être être exaucé. Je ne t'écoute plus! Va-t'en, monstre exécrable! Va! Laisse-moi le soin de mon sort déplorable! Puisse le juste ciel dignement te payer, et puisse ton supplice à jamais effrayer tous ceux qui, comme toi, par de lâches adresses, des princes malheureux nourrissent les faiblesses, les poussent au penchant où le cœur est enclin, et leur ose du crime aplanir le chemin. Détestable flatteur, présent le plus funeste que puisse faire au roi la colère céleste. Oh Dieu, pour la servir, j'ai tout fait, tout quitté, et j'en reçois ce prix. Je l'ai bien mérité. Quoi? Vous pouvez vous taire en ce péril extrême, vous laisser dans l'erreur un père qui vous aime. Cruel, si de mes pleurs méprisant le pouvoir, vous consentez sans peine à ne me plus revoir, partez. Séparez-vous de la triste Aricie, mais du moins en partant, assurez votre vie. Défendez votre honneur d'un reproche honteux, et forcez votre père à révoquer ses vœux. Il en est temps encore, pourquoi? Par quel caprice laissez-vous le champ libre à votre accusatrice? Éclaircissez Thésée. Et que n'ai-je point dit? Ai-je dû mettre au jour l'opprobre de son nid? Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère d'une indigne rougeur, couvrir le front d'un père? Vous seul avez percé ce mystère odieux. Mon cœur pour s'épancher n'a que vous et les dieux. Je n'ai pu vous cacher. Jugez si je vous aime. Tout ce que je voulais me cacher à moi-même. Mais songez sous quel sceau je voulais révéler. Oubliez s'il se peut que je vous ai parlé, madame. Et que jamais une bouche si pure ne s'ouvre pour conter cette horrible aventure. Sur l'équité des dieux osons nous confier, ils ont trop d'intérêt à me justifier. Et Phèdre, tôt ou tard de son crime puni, n'en saurait éviter la juste ignominie. C'est l'unique respect que j'exige de vous. Je permets tout le reste à mon libre courroux. Sortez de l'esclavage où vous êtes réduite. Osez me suivre, osez accompagner ma fuite. Arrachez-vous d'un lieu funeste et profané où la vertu respire un air empoisonné. Profitez pour cacher votre prompte retraite de la confusion que ma disgrâce y jette. Je vous puis de la fuite assurer les moyens. Vous n'avez jusqu'ici de garde que les miens. De puissants défenseurs prendront notre querelle. Argos nous tend les bras et Sparte nous appelle. À nos amis communs portons nos justes cris. Ne souffrons pas que Phèdre, assemblant nos débris, du trône paternel nous chasse l'un et l'autre et promette à son fils ma dépouille et la vôtre. L'occasion est belle, il la faut embrasser. Quel père vous retient? Vous semblez balancer. Votre seul intérêt m'inspire cette audace. Quand je suis tout de feu, d'où vous vient cette glace? Sur les pas d'un banni, craignez-vous de marcher? Hélas, qu'un tel exil, Seigneur, me serait cher. Dans quel ravissement, à votre sort lié du reste des mortels, je vivrais oublié. Mais n'étant point unie par un lien si doux, puis-je avec honneur dérober avec vous? Je sais que sans blesser l'honneur le plus sévère, je me puis affranchir des mains de votre père. Ce n'est point m'arracher du sein de mes parents, et la fuite est permise à qui fuit ses tyrans. Mais vous m'aimez, Seigneur, et ma gloire à l'armée... Non, j'ai trop de soin de votre renommée. Un plus noble dessein m'amène devant vous. Fuyez mes ennemis et suivez votre époux. Libre dans nos malheurs, puisque le ciel l'ordonne, le don de notre foi ne dépend de personne. L'hymen n'est point toujours entouré de flambeaux. Aux portes de Trézène et parmi ses tombeaux, les princes de Maras, antique sépulture, est un temple sacré formidable aux parjures. C'est là que les mortels n'osent jurer en vain. Le perfide y reçoit un châtiment soudain. Et craignant d'y trouver la mort inévitable, le mensonge n'a point de frein plus redoutable. Là, si vous m'en croyez d'un amour éternel, nous irons confirmer le serment solennel. Nous prendrons à témoin le Dieu qu'on irait vers. Nous le prierons tous deux de nous servir de père. Des dieux les plus sacrés, j'attesterai le nom. Et la chaste Diane, et l'auguste Junon, et tous les dieux, enfin, témoins de mes tendresses, garantiront la foi de mes saintes promesses. Le roi vient. Fuyez, prince, et partez promptement. Pour cacher mon départ, je demeure un moment. Allez, et laissez-moi quelques fidèles guides qui conduisent vers vous ma démarche timide. Dieu, éclairez mon trouble, et daignez à mes yeux montrer la vérité que je cherche en ces lieux. Songe à tout, chère Ismène, et sois prête à la fuite. Vous changez de couleur et semblez interdite, madame. Que faisait Hippolyte en ce lieu? Seigneur, il me disait un éternel adieu. Vos yeux ont su dompter ce rebelle courage, et ses premiers soupirs sont votre heureux ouvrage. Seigneur, je ne vous puis nier la vérité. De votre injuste haine, il n'a pas mérité. Il ne me traitait point comme une criminelle. J'entends. Il vous jurait une amour éternelle. Ne vous assurez point sur ce cœur inconstant, car à d'autres que vous, il en jurait autant. Lui, Seigneur? Vous deviez le rendre moins volage. Comment souffriez-vous cet horrible partage? Et comment souffrez-vous que d'horribles discours, d'une si belle vie, osent noircir le cours? Avez-vous de son cœur si peu de connaissances? Discernez-vous si mal le crime et l'innocence? Faut-il qu'à vos yeux seuls, un nuage odieux dérobe sa vertu qui brille à tous les yeux? Ah, oh, c'est trop le livrer à des langues perfides. Cessez, repentez-vous de vos vœux homicides. Craignez, Seigneur, craignez que le ciel rigoureux ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux. Souvent, dans sa colère, il reçoit nos victimes. Ses présents sont souvent la peine de nos crimes. Non, vous voulez en vain couvrir son attentat. Votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat. Mais j'en crois des témoins certains, irréprochables. J'ai vu couler des larmes véritables. Prenez garde, Seigneur. Aux invincibles mains, mon de monstres sans nombre a franchi les humains. Mais tout n'est pas détruit. Et vous en laissez vivre un. Votre fils, Seigneur, me défend de poursuivre. Instruite du respect qu'il veut vous conserver, je l'affligerais trop si j'osais achever. J'imite sa pudeur et fuis votre présence pour n'être pas forcé à rompre le silence. Quelle est donc sa pensée? Que cache un discours commencé tant de fois, interrompu toujours? Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine? Sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne? Mais moi-même, malgré ma sévère rigueur, quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur! Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne. Une seconde fois, interrogeons Zénon. Je veux de tout le crime être mieux éclairci. Garde! Kenon forte! Et vienne seul-ci! J'ignore le projet que la reine médite, Seigneur. Mais je crains tout du transport qu'il agite. Un mortel désespoir sur son visage est peint. La pâleur de la mort est déjà sur son teint. Déjà de sa présence avec honte chassée. Dans la profonde mer, Elon s'est lancé. On ne sait point d'où part ce dessein furieux. Et les flots pour jamais l'ont ravi à nos yeux. Qu'entends-je? Son trépas n'a point calmé la reine. Le trouble semble croître en son âme incertaine. Quelquefois, pour flatter ses secrètes douleurs, elle prend ses enfants et les baigne de pleurs. Et soudain, renonçant à l'amour maternel, sa main, avec horreur, les repousse loin d'elle. Elle porte au hasard ses pas irrésolus. Son œil tout égaré ne nous reconnaît plus. Et elle a trois fois écrit, et changeant de pensée, trois fois elle a rompu sa lettre commencée. Daignez la voir, Seigneur, daignez la secourir. Oh, ciel, et non est morte, et Phèdre veut mourir. Qu'on rappelle mon fils, qu'il vienne se défendre, qu'il vienne me parler, je suis prêt de l'entendre. Ne précipite point tes funestes bienfaits, Neptune. J'aime mieux n'être exaucé jamais. J'ai peut-être trop cru des témoins peu fidèles, et j'ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles. Ah, de quel désespoir mes feux seraient suivis. T'es ramène, laisse-toi. Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre? Que fait mon fils? Oh, soins tardifs et superflus. Inutile tendresse. Hippolyte n'est plus. j'ai vu des mortels périr le plus aimable. Et j'ose dire encore, Seigneur, le moins coupable. Mon fils n'est plus. Et quoi? Quand je lui tends les bras, les dieux, impatients, ont hâté son trépas. Quel coup me l'a ravi, quelle foudre soudaine! À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ce garde, affligé, imitait son silence, autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ce superbe coursier qu'on voyait autrefois plein d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri, sorti du fond des flots, des airs en ce moment à troubler le repos, et du sein de la terre une voix formidable, répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui la porta recule épouvanté, tout fuit. Et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tombés en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. En efforts impuissants, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillon pressait leurs flancs poudreux. À travers les rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompt. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi, pleure, une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent, non loin de ces tombeaux antiques, où des rois, ses aïeux sont les froides reliques. J'y cours, en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie. Cher ami, si mon père, un jour, désabusé, plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive. Dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ce mot, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet, où des dieux triomphe la colère, et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Oh, mon fils, cher espoir que je me suis ravi, inexorable Dieu qui m'avait trop servi, à quel mortel regret ma vie est réservée. La timide Aricie est alors arrivée. Elle venait, Seigneur, fuyant votre courroux, à la face des dieux l'accepter pour époux. Elle approche, elle voit l'herbe rouge et fumante, elle voit quel objet pour les yeux d'une amante. Hippolyte étendu, sans forme et sans couleur. Elle veut quelque temps douter de son malheur, et ne connaissant plus ce héros qu'elle adore, elle voit Hippolyte et le demande encore. Mais trop sûr à la fin qu'il est devant ses yeux, par un triste regard elle accuse les dieux. Et froide, gémissante et presque inanimée, aux pieds de son amant, elle tombe pâmée. Ismène est auprès d'elle. Ismène, tout en pleurs, la rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs. Et moi, je suis venu, détestant la lumière, vous dire d'un héros la volonté dernière, et m'acquitter, Seigneur, du malheureux emploi dont son cœur expirant s'est reposé sur moi. Mais j'aperçois venir sa mortelle ennemie. Eh bien, vous triomphez, et mon fils est sans vie. Ah, que j'ai lieu de craindre! Et qu'un cruel soupçon l'excusant dans mon cœur m'alarme avec raison. Mais madame, il est mort, prenez votre victime. Jouissez de sa perte injuste ou légitime. Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Je le crois criminel, puisque vous l'accusez. Son trépas à mes pleurs offre assez de matière sans que j'aille chercher d'odieuse lumière qui, ne pouvant le rendre à ma juste douleur, peut-être ne ferait qu'accroître mon malheur. Laissez-moi loin de vous, et loin de ce rivage, de mon fils déchiré, fuir la sanglante image. Confus, persécuté d'un mortel souvenir de l'univers entier, je voudrais me bannir. Tout semble s'élever contre mon injustice. L'éclat de mon nom même augmente mon supplice. Moins connu des mortels, je me cacherai mieux. Je hais jusqu'aux soins dont m'honorent les dieux. Je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière, sans plus les fatiguer d'inutiles prières. Quoi qu'ils fissent pour moi, leur funeste bonté ne me serait payée de ce qu'ils m'ont ôté. Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence. Il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable. Père infortuné, et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel, pensez-vous être assez excusé? Les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osais jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable Énone a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrit un feu qui lui faisait d'horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux, a cherché dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu, devant vous, exposant mes remords, par un chemin plus lent, descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà, jusqu'à mon cœur, le venin parvenu, dans ce cœur expirant, j'ai un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage et le ciel et les poux que ma présence outrage et la mort à mes yeux dérobant la clarté rend toujours qu'il souillait toute sa pureté. Elle expire, Seigneur. D'une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire. Allons, de mon erreur, hélas, trop éclaircie, mêlez nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons, de ce cher fils, embrasser ce qui reste, expier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités. Et pour mieux apaiser ses mâles irrités, que malgré les complots d'une injuste famille, son amante, aujourd'hui, me tienne lieu de fille. La radiodiffusion française vient de vous présenter la tragédie de Jean Racine, Phèdre, interprétée par la troupe de Maribel, qui donne ce soir même à Montevideo cette œuvre en représentation. Nous vous en rappelons la distribution par ordre d'entrée dans l'action. Jacques Dacmin, Hippolyte. Jean Chevrier, Théramène. Louise Comte, Hénon. Maribel, Phèdre. Nadine Marziano, Panope. Denise Noël, Arissi. Josette Armina, Ismène. Et Maurice Escande, Thésée. La tragédie de Jean Racine a été interprétée dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault. Et la réalisation radiophonique était de Jean Serge, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 14 juillet 1947. Vous pourrez réécouter ce Phèdre durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture.